Crépuscule des idoles. Comment on philosophe à coups de marteau? Cet écrit, qui n'a pas 150 pages, avec son allure à la fois sereine et fatale, un démon qui rit, est la tâche de si peu de jours que j'ai des scrupules à en dire le nombre. Parmi tous les livres, il représente une exception. Il n'existe rien de plus substantiel, de plus indépendant, de plus révolutionnaire, de plus méchant. Si l'on veut se faire rapidement une idée à quel point avant moi tout était placé la tête en bas, il faut commencer par la lecture de cet ouvrage. Ce qui, sur la page de titre, est appelé « idole », c'est précisément ce qui, jusqu'à présent, a été appelé « vérité ». Crépuscule des idoles, cela signifie « la fin des vérités anciennes commence ». Il n'y a pas de réalité, il n'y a pas d'idéalité qui ne soit touchée dans ce livre. Touchée, quel euphémisme circonspect! Non seulement les idoles éternelles, mais encore les plus jeunes, par conséquent les plus séniles, l'idée moderne par exemple. Un grand vent souffle à travers les arbres, et de tous les côtés les fruits tombent sur le sol. Ce sont des vérités. Il y a dans ce livre le gaspillage d'un automne trop abondant. On trébuche sur les vérités, on en écrase même quelques-unes. Elles sont trop. Mais ce que l'on finit par prendre dans la main, ce n'est plus rien de problématique, ce sont des choses décisives. Moi seul, je tiens la mesure pour les vérités. Moi seul, je suis capable de juger. C'est comme si une deuxième conscience s'était éveillée en moi. C'est comme si la volonté avait allumé en moi une lumière qui éclaire la pente oblique sur laquelle elle est descendue jusqu'à présent toujours plus bas. Cette pente oblique, on l'appelait le chemin de la vérité. C'en est fini de l'obscure impulsion. L'homme bon avait précisément le moins conscience du bon chemin. Et, très sérieusement, personne ne connaissait avant moi le bon chemin, le chemin qui mène en haut. Ce n'est qu'à dater de moi qu'il existe de nouveau des espoirs, des tâches, des voies vers la culture dont le tracé est indiqué. Je suis le joyeux messager de cette culture. Par là même, je suis aussi une fatalité. Immédiatement après avoir terminé l'œuvre susdite, et sans même perdre un seul jour, j'attaquai la tâche formidable de la transmutation, animé d'un sentiment de souveraine fierté que rien n'égale, certain à chaque minute de mon immortalité et inscrivant, un signe après l'autre, sur les tables d'airain, avec la certitude d'une fatalité. La préface fut écrite le 3 septembre 1888. Lorsque, le matin, après l'avoir rédigée, je sortis en plein air, je trouvai devant moi la plus belle journée que la haute Engadine m'eût jamais montrée. Un jour transparent, ardent dans ses couleurs, recélant en lui tous les intermédiaires entre la glace et le midi. Je ne quittai Sils Maria que le 20 septembre, retenu comme je l'étais par des inondations, n'étant bientôt et pour plusieurs jours que le seul hôte de ce lieu merveilleux à qui ma reconnaissance fera le don d'un nom immortel. Après un voyage plein d'incidents, où je fus même en danger de mort, atteignant tard dans la nuit Côme, envahie par l'eau, je parvins à Turin le 21. Turin est mon lieu démontré, et je l'ai choisi dès lors pour résidence. Je repris le même logement que j'avais déjà habité au printemps, via Carlo Alberto VI, en face du puissant palais Carignano où est né Victor Emmanuel, mes fenêtres ayant vue sur la place Charles-Albert et au sud sur un horizon bordé de collines. Sans hésitation, et sans me laisser distraire un moment, je me remis de nouveau au travail. Il ne me restait plus qu'à terminer le dernier quart de l'ouvrage. Le 30 septembre, grande victoire. 7e jour. Oisiveté d'un dieu qui se promène le long du pot. Le même jour, j'écrivis encore la préface du Crépuscule des idoles, dont la correction d'épreuves m'avait servi de récréation durant le mois de septembre. je n'ai jamais vécu un semblable automne. Jamais je n'aurais cru qu'une chose pareille fût possible sur la terre. Un Claude Lorrain transporté dans l'infini, chaque jour d'une égale perfection effrénée.